Bienvenue dans ce second numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et cette fois je vais vous parler du morceau The Passenger d'Iggy Pop. I am the passenger, I stay under glass, I look through my window so bright, I see the stars come out tonight. See the bright and hollow sky over the city's ripped back sky, and everything looks good tonight. Sing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je vais commencer par une petite présentation d'Iggy Pop, de son vrai nom James Newell Osterberg Jr. Il a bien fait de prendre un pseudo. Il est né en 1947 dans le Michigan. Son nom de scène est dérivé de l'iguane, et si vous l'avez déjà vu sur scène, on pourrait croire que c'est à cause de sa façon de bouger, qui est particulière. Mais en fait, pas du tout, ça vient de son tout premier groupe qui s'appelait The Iguanas. Et d'ailleurs, dans ce groupe, il était batteur. Et oui, Iggy Pop a plusieurs cordes à son arc. Il est auteur, compositeur, interprète, acteur. Et pas que pour des pubs pour le bon coin. Durant sa carrière musicale, il s'adapte à plein de styles différents. Il a fait du rock, de la soul, du blues et du punk, dont il est un des précurseurs. Il est d'ailleurs surnommé The Godfather of Punk. Pour revenir à The Passenger, la chanson est sortie en 1977 sur le second album d'Iggy Pop, Lust for Life. Il a entamé sa carrière solo depuis quelques années, mais jusqu'en 77 on peut pas vraiment dire que ce soit une grande réussite. Bon, en même temps, ses gros problèmes de drogue n'ont pas aidé, et il vit à moitié dans la rue. Il a même passé une année en hôpital psychiatrique. À l'origine de cette chanson, il y a son ami David Bowie, d'ailleurs c'est lui qui fera les chœurs sur le refrain. Il l'embarque avec lui à Berlin lors de sa tournée européenne. Le but de la manœuvre, c'est le faire décrocher de ses diverses addictions. C'est valable pour les deux. Un jour, ils sont en studio, et Bowie demande à un de ses musiciens, Ricky Gardiner, s'il a de nouvelles idées, de nouvelles compositions. Et comme par hasard, Ricky a un truc en tête. Quatre accords qui, bon là je le cite, hein, lui sont tombés dessus alors qu'il était perdu dans la magie d'un matin de printemps. À mon avis, l'opération sevrage n'est pas une totale réussite. Le soir même, Iggy part faire une balade nocturne à bord d'un train. Et ça lui remet en mémoire un poème de Jim Morrison, tiré de son recueil The Land. Je vous le mettrai dans les notes du podcast. Dans ce poème, il est question de traverser des villes, de traverser des rues, de regarder à travers des fenêtres, mais surtout de passengers et de ripped backsides, qu'on peut traduire par des arrières-rues mal fréquentées. Ouais, des coins pourris, quoi. Et c'est des termes qu'on va retrouver mot pour mot dans The Passenger. Si on traduit un peu l'idée générale du morceau, c'est tout simplement une ode à la liberté. Le passager, c'est bien sûr Iggy Pop lui-même, qui roule à travers la nuit sans but, et voit défiler le ciel, les étoiles. Non, pas la François. On peut interpréter ça comme s'il voyageait à travers le monde barbant des gens normaux, les gens en métro, boulot, dodo, en direction d'un autre, plus sale, plus pimenté, mais plus excitant, le monde nocturne. Pour lui, c'est ça le vrai monde, la vraie vie, la vraie liberté. Il se perd là-dedans et il nous invite à le rejoindre. Tout ça avec sa voix magnifique de crooner. La chanson, comme l'album Lust for Life, est un succès, mais c'est pas encore le hit planétaire qu'on connaît aujourd'hui. En fait, faut attendre 1988 et une pub pour une voiture pour qu'elle ressorte en single et fasse son entrée dans les charts. A partir de là, elle est utilisée dans de nombreux spots publicitaires, des films, des séries télé, des jeux vidéo, des génériques d'émissions télé. Et ce succès nous offre la joie de très nombreuses reprises, dans plein de styles différents. On retrouve en effet des versions reggae, rap, électro, il y a aussi des adaptations espagnoles et brésiliennes. Il y a même une version polonaise. Je vous mettrai tout ça dans les notes du podcast. Il y en a deux, trois qui valent le détour. Il y en a une qu'Iggy Pop a particulièrement appréciée, c'est celle de Siouxsie and the Banshees, sortie en 1988, où c'est une femme qui chante, et elle a ajouté une note, et Pop aura aimé avoir cette idée lui-même, car il trouve que ça améliore le morceau. I am the passenger.